G-O-R. Los Angeles. Ok, ça fait yo. J'suis de speed, j'suis de speed. Ouais, ouais, ouais, tu connais G-O-R-I. On s'en bat les glaives, oui, devant les keufs, ça t'es free. En bas des tests, Habibi, les tarfés m'appellent Habibi. C'est la routine de noter si, oui, oui, oui. Les polos sont en stress car c'est nous les vivils. Si j'suis un Z à part de speed, comme un guépard qui est ce tocard. Puis avant quand mettre ta part, arrêtez ça là, toi disant t'es un malade. Chez moi, tu cries à l'aide car t'es wanted. 9-2-6-0-0, mes négros en tous un bac. Au dealer si tu veux pécho, on lâche pas un pote pour une meuf. Mais ma capote du TFOS Miss, toi et moi c'est que du bluff. Qu'est-ce tu connais, connais, je rêve que des billets violets, hein. Ce que t'as pigé, pigé, mes rimes te fait kiffer, kiffer. Anir te fait flipper, flipper. Ok, G-O-R, toujours OP, OP. Check le mic, check la tête. Nouvelle ère du PAR, bâtard, appelle-moi Omar. À peine arrivé, les faux MC sont en train de paniquer, paniquer, nous tester. C'est comme si tu voulais aller cambrioler un que, mais broliquer, broliquer. Nouvelle ère du PAR, bâtard, appelle-moi Omar. À peine arrivé, arrivé, les faux MC sont en train de paniquer, paniquer, nous tester. C'est comme si tu voulais aller cambrioler un que, mais broniquer. Mais parlons bien, avec le temps je deviens une pince. C'est par principe, je pense à la mif et au pote, ou par la miss élégante. Tu l'as peut-être mise au grand, mais je pense à ta tête mijotante. J'ai pas texte philosophique, j'ai une technique flottante. J'ai le déclic que quand je vois tes hanches qui se cambrent. Et ces temps-ci, je pense à quelques meufs élégantes qui se tortillent le corps avec des tenues alléchantes. Me parle pas de club échange, je veux pas attraper le VIH. Je veux juste aller au Pays-Bas, à l'arrière du série 3, hésitant à acheter du popcorn avec tes histoires. On se croirait au cinéma avec Brandon et Brenda. À force de jouer à FIFA, tu te prends vraiment pour une star. Même pas fichu de remplir une salle de seulement 50 places. C'est vrai, je t'ignore grave, mais Régine ment pas. Est-ce que tu trouves attirant dans un jean qui taille bas? Nouvelle ère du PAR, bâtard. J'pose mon 16 et basta. Ton équipe n'est pas stable, pétasse. On déclenche les pétards verbales, hyper tard. Sache que mon place c'est Tibouk du Val d'Oise. Nouvelle ère du PAR, bâtard. J'pose mon 16 et basta. À peine arrivé, arrivé, les faux MC, j'les vois en train de paniquer, paniquer. Sache que c'était IPOUG et que j'viens représenter. Ok, le rap a pris de l'héros, c'est peut-être pour ça qu'il est devenu suicidaire, ni que ça. Mais Ranière sur scène, c'est ma ville, c'est mon univers. Check le mic, check la tête. LOS, Anieres, le ghetto qui te blesse. C-L-I-Z-O-P, le 16. Un son qui fait bouger les bzaises. Quand je prends le mic, ça repart qu'une bande de salopards. Mon rap est taché comme un léopard. Ce n'est que le départ du style de la Z à part. Nouvelle ère du PAR, sponsorisé par Diesel. Nike Air, la plupart des mecs d'Anière et les gens fument. Fument parce que ce monde est cramé. La vie se consume comme deux, trois taffes d'une carrette. Si j'avoue, je suis navré de toutes ces meufs qui font les stars. Mais avec leur maquillage, j'en fais mal à la tête. Peut-être que je suis pété, que je me roule trop de bête. Tu me verras peut-être au studio en mode douche en claquette. C'est trop bête de voir ces schlaguettes en manque de pépette. Tapiner en bas de nos rues, moi je me mets sur le deck. Nouvelle ère du PAR, bâtard. Appelle-moi le couche-tard. À peine arrivé, arrivé, les faux MC, je les vois en train de paniquer, paniquer. C'est FIZ toujours. P-A-S-N-I-E-R, je viens représenter. Nouvelle ère du PAR, bâtard. Appelle-moi le couche-tard. À peine arrivé, arrivé, les faux MC, je les vois en train de paniquer, paniquer. C-L-I-Z-A-S-N-I-E-R-E-S, je viens représenter.